The better part of the man is soon plowed into the soil for compost. By a seeming fate, commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book. Bonjour Nadège. Bonjour Tara. Alors, peux-tu, pour commencer, présenter un petit peu la maison Agulo avant qu'on rentre un petit peu plus dans tes choix éditoriaux européens? Est-ce que tu peux nous parler de sa maison, la ligne éditoriale, comment elle est née? Alors, Agulo est née en 2016, maison d'édition indépendante basée en région bordelaise, en banlieue de Bordeaux même. En fait, l'idée a été de publier de la littérature étrangère pour commencer, mais toujours avec une certaine appétence vers ces territoires européens, ces territoires notamment moins connus qui sont l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, associés justement à une littérature contemporaine et souvent de genre qu'on connaissait beaucoup moins en France. On connaît les classiques, on connaît les grands classiques de tous les pays de tous les pays européens et de ces pays-là aussi, mais la littérature contemporaine de genre était beaucoup moins présente. Et là, effectivement, on a trouvé un peu une niche entre guillemets sur le marché du livre en France qu'on a pu saisir. Voilà, on est rentré dans cette niche et au bout de 5 ans, là, on commence vraiment à être reconnu, notamment pour le roman noir de ces zones géographiques là. Pourquoi, d'après toi, est-ce que la littérature de genre était peu connue de ces pays? Parce qu'on la connaît un petit peu, on a le cliché du polar scandinave. Pourquoi est-ce que le noir et le polar de littérature d'Europe centrale étaient boudés jusqu'à ce que tu t'y penches? D'une part, parce que je pense que c'est un genre qui est assez nouveau dans ces territoires-là. Alors moi, j'ai ma théorie sur la question, c'est-à-dire que c'est des pays qui ont eu des histoires souvent assez tragiques entre la Deuxième Guerre mondiale et les nazis, et ensuite les communistes, etc. Et pour moi, le roman noir ou les bons polars, c'est vraiment des romans qui vont justement parler et de la culture et de l'histoire et d'une société donnée à un moment donné. Et moi, j'ai l'impression que pour pouvoir mettre en fiction ce qui s'est passé dans un pays, il faut avoir un recul, que certains pays n'ont pas. C'est tellement récent, on va dire, dans certains pays, la chute des dictateurs, du communisme et tout ça, que peut-être il n'y a pas eu forcément assez de recul pour pouvoir en parler, d'une part. Et deuxièmement, il faut aussi que les auteurs aient lu les grands maîtres de ces genres-là pour pouvoir aussi comprendre la structure d'un polar, etc. Et c'est pas forcément des littératures qui étaient bien importées dans ces pays-là, puisque la plupart venaient évidemment, il y avait beaucoup qui venaient des États-Unis, etc. Et c'est pas forcément des littératures qui étaient largement diffusées là-bas. Ce qui veut dire que nous, dans notre recherche sur ces territoires de ce genre noir, on voit qu'il y a des pays où ça n'existe pas encore, le genre noir moderne. Alors il y a du genre noir du temps des communistes. Et c'est souvent où ça va être de l'espionnage ou des choses comme ça. Et c'est souvent les capitalistes qui sont les mauvais garçons, etc. Après, voilà, du moderne, il y a encore des pays où ça n'existe pas. On attend que ça arrive. Oui, pour des questions, justement, que ce soit traduit et que la circulation de textes européens permette ça. C'est ça, c'est ça. Et en ce qui concerne donc l'IUPL, le prix de la littérature de l'Union européenne, comment as-tu découvert d'une part le prix et d'autre part tout ce qui en pouvait en découler, puis souhaité importer ces titres primés en France? Alors en fait, on a même découvert carrément le programme Creative Europe parce qu'on avait acheté les droits d'un roman d'une autrice, Magdalena Paris, qui est germano-polonaise. Et en fait, elle avait reçu l'IUPL. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à s'intéresser à ce prix et à ce programme, en allant fouiller, etc. Et du coup, on s'est rendu compte que cette idée de collaboration et de soutien que l'Europe pouvait apporter dans cette diffusion de littérature contemporaine européenne, ça nous correspondait. On n'avait pas mis un nom dessus quand on s'est créé, mais on avait déjà des titres, voilà, de genre, de pays comme la Lituanie, comme le Portugal, etc. Et on s'est rendu compte après coup qu'en fait, ce programme, il était fait pour nous. En gros, dans chaque pays, il y a des jurys qui, chaque année, selon, évidemment, il y a beaucoup de pays européens, donc chaque année, évidemment, il y a des différents pays qui sont mis à l'honneur, et c'est des jurys qui vont réunir des libraires, des éditeurs, etc., qui vont regarder un peu les titres qui sont sortis une année donnée et qui vont justement élire cet IUPL. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Et du coup, ça fait déjà, c'est vrai, un titre qui a été lu par plusieurs personnes et donc qui ressort quand même et qui est probablement représentatif d'une culture, d'une littérature contemporaine et moderne d'un pays donné. Donc, c'est déjà, nous, en droit étranger, on travaille beaucoup avec les éditeurs, les agents, etc. Pour nous, c'est déjà, y a déjà eu cette idée de sélection. Donc, on sait déjà qu'on est sur, entre guillemets, le haut du panier. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais effectivement, et puis nous, par exemple, le premier titre qu'on a publié, donc Le Magicien de Magdalena Paris, qui avait reçu le IUPL, je crois que c'était en 2015, je crois, je ne sais plus. Nous, on l'a mis en roman noir. On a deux collections, une collection de l'IT Générale, Agulo-fiction et Agulo-noir, et on l'a sorti en Agulo-noir. C'était pas exactement un polar, c'était pas exactement un roman noir, c'était un roman aussi historique, c'est un mélange de genres, et en fait, on se rend compte que finalement, nous, dans les IUPL qu'on a publiés, il y a des mélanges de genres, puisque le deuxième était un roman qui s'appelle À l'ombre de la butte aux coqs, qui part comme un polar et qui, en fait, traite d'une période historique en Lettonie. Donc, c'est historico-politico-noir. Et ça se passe autour de la révolution de 1905, qui est un peu synonyme de la prise de conscience d'un peuple qui a été gardé en plus ou moins, on ne va pas dire en esclavage, mais qui a été gardé quand même, qu'on a empêché de s'affirmer, puisqu'il y avait et d'un côté les Russes et de l'autre côté les Allemands, l'aristocratie allemande qui possédait toutes les terres, etc. Et ce peuple qui était en fait réduit au rang de paysans, à qui on n'a accordé ni le droit de reconnaître la langue, ni le droit de reconnaître une culture, alors que c'était quand même eux les premiers habitants de cette zone géographique, quoi. Et ça aussi, pour nous, c'était fascinant de pouvoir découvrir des pans historiques comme ça. Et c'est vrai que c'est là aussi où on s'est dit que finalement on est tous européens, mais en fait on ne se connaît pas du tout les uns les autres. On est voisins, mais on connaît très peu de l'histoire des uns des autres. Et surtout quand on en vient à parler de plus petits pays et de plus petites langues, entre guillemets. Oui, notamment qui pouvaient éventuellement être dans le bloc, dans l'URSS. Tout à fait. C'est vrai que pendant longtemps, on ne savait pas trop ce qui s'y passait. Bah oui. Et est-ce que le mélange des genres que tu cites pour les deux livres que tu as pris en exemple, est-ce que ce n'est pas en fait assez caractéristique des littératures? Alors, littérature européenne, ça ne veut absolument rien dire, mais de ces littératures et spécifiquement de celles qui sont primées par l'IUPL? Oui, alors justement, je pense que probablement, c'est peut-être ce mélange de genres est peut-être présent dans beaucoup de livres de l'IUPL finalement, où on met, puisque c'est aussi l'idée de cette littérature européenne, de ce sentiment et de cet esprit européen, et voilà, qui va passer et par l'histoire et par la politique, et effectivement, ça c'est nouveau, donc par le genre, même si on ne dit pas que c'est souvent, on ne va pas dire que c'est un roman noir, quoi. Mais en fait, c'en est un. Au niveau du choix Déjà, donc, tu as déjà donné des éléments, mais du choix, puis de la promotion et de la défense d'un texte étranger, est-ce qu'il y a des différences avec un texte français pour un éditeur ? Alors déjà, il y a la question de la langue, hein, c'est-à-dire que avec un auteur français, déjà, on a un auteur qui parle français, donc quand on va en librairie, c'est plus facile, etc. Quand on est avec un auteur étranger, en plus, on va dire européen, qui vient d'un pays où la langue est plus rare, déjà ce travail d'interprétariat et tout ça, ça va être plus compliqué. Si on prend avant ça, la traduction aussi, parce qu'on va avoir moins de choix de traducteurs, etc. Donc peut-être c'est des ouvrages qui prennent plus de temps à produire, entre guillemets, hein, à créer, enfin voilà, entre trouver un traducteur, lui faire faire un essai, voir que ça va, etc., etc. Et puis en plus, on peut aussi se retrouver avec des livres, par exemple La Butte aux Coqs, À l'ombre de la Butte aux Coqs, qui en fait en plus incorpore dans la langue lettonne du vieux letton, puisque ça se passe au tout début du XXe siècle. Et du coup, pour le traducteur, il y avait encore un niveau de difficulté ajouté. Au-delà de traduire du letton, il y avait aussi cette langue du passé un petit peu qui empruntait au letton, mais qui avait évolué, quoi. Donc il y a ça. Et puis après, pour la promotion, nous, ce qui est important, c'est aussi pour ça qu'on va chercher ces auteurs-là, c'est que je dois dire que quand on choisit le titre, quand on choisit nos livres, souvent qui est l'auteur est important. Souvent, on choisit et un livre et un auteur. Souvent, l'auteur, il a beaucoup de choses à dire sur son pays, sur la façon dont c'est gouverné, etc., etc. C'est aussi pour que les lecteurs français aient la possibilité d'échanger avec ces auteurs, parce que souvent, ces auteurs viennent de pays où on ne connaît pas forcément la culture, on ne connaît pas forcément l'histoire. Et donc, c'est vrai que souvent, en librairie, on se rend compte que les lecteurs, ils vont avoir autant de questions sur le livre que sur le pays d'où l'auteur vient. Oui, il y a en fait un peu, là aussi, un autre type de mélange des genres, c'est-à-dire qu'ils apportent pas seulement un texte nouveau avec éventuellement une manière d'écrire et de construire nouvelle, mais un fond qui peut être social, politique et historique, dont, comme tu le disais tout à l'heure, on n'a pas du tout idée. Oui, c'est ça. C'est ça pour nous, c'est pour ça que finalement, après coup… quand on se lance dans l'édition, on dit on va faire ça, on essaie de créer des phrases qui vont, des slogans, tout ça, qui vont couvrir ce qu'on fait. Mais c'est souvent plus tard qu'on se rend compte, en fait, de ce qu'on publie. C'est souvent plus tard, au bout de plusieurs années, où on se rend compte que finalement, maintenant, nous, on peut dire qu'en fait, on a une ligne politique, ce qu'on n'aurait pas dit au départ. C'est-à-dire, nos livres sont politiques dans le sens où ils mettent en scène comment les habitants, les gens d'un pays donné vivent ensemble face à une situation spécifique à leur pays, dans une communauté spécifique à leur pays, etc. Et c'est vraiment ce qu'on a réalisé après coup, c'est que en fait, même si c'est de l'imaginaire, du polar, de la litté blanche, même s'il y a de l'humour et tout ça, il y a souvent un fond politique à nos livres. Comment sont reçus ces textes, justement, avec tous les éléments que tu viens de donner, que ce soit par les libraires et aussi par le grand public ? Alors, pour ce qui est des libraires, les libraires, on est très, très bien identifiés maintenant parce que justement, on fait ce travail d'aller chercher des livres dans des territoires qui sont moins présents en France. Donc, du coup, si le libraire est curieux, ce qui généralement il est, surtout le libraire indépendant, ça va l'attirer. Le fait, par exemple, on a notamment, dans les deux dernières années, là, publié le premier roman noir croate, le premier roman noir slovaque. Il n'y en avait jamais eu en France. Et c'est des points marquants. Marketing entre guillemets, qui ont vachement plu en fait, et à la presse aussi. Et du coup, on se retrouvait avec des auteurs inconnus qui sortaient qui voyaient leur premier roman traduit en France et qui ont eu des papiers incroyables dans Le Monde, dans Libération, et qui ont eu des prix aussi. Là, le dernier en date, L'eau rouge, donc premier roman noir croate sorti en France, a reçu le Grand Prix de littérature policière et le prix, c'est avec le magazine Le Point, du meilleur polar européen, qui est remis à Quai du Polar. Et c'est pour la première fois, ces deux prix ont, pour la première fois depuis leur création, ces deux prix ont récompensé un titre qui ne venait pas de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Italie, qui venait en fait de pays plutôt Europe de l'Est, Europe centrale. Et là, pour le coup, c'est les Balkans, la Croatie. Oui. Mais ça, pour ça, ça m'a fait super plaisir parce que je me suis dit quand même, on avance, même si on avance plus lentement, parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on fait un travail de fond. C'est-à-dire qu'on essaie d'ouvrir les lecteurs à d'autres littératures que la littérature américaine. Et ça, on part de très, très loin. Surtout dans la littérature de genre, hein, qui reste quand même très anglo-saxonne, ouais. Identifiée comme très anglo-saxonne, un c'est petit ça. Peu scandinave depuis une vingtaine ouais. d'années, mais sinon, pas très ouvert sur les autres pays. Tout à fait. Mais après, pas très ouvert parce qu'aussi, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose qui était en librairie de ces territoires-là, dans ces genres-là. Donc, effectivement, pour nous, là, c'est vraiment intéressant. Et pour le moment, on n'est pas beaucoup d'éditeurs français à faire ça. Donc, bon, peut-être on ouvre des voies, hein, probablement. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression que notre travail est vraiment de longue haleine disons, on s'impose petit à petit. Enfin, ces littératures-là s'imposent petit à petit. Auprès des lecteurs, effectivement, ça passe par les libraires et ça passe par la presse avant, hein, il y a des étapes. Mais après, voilà, c'est pour ça que le programme européen, c'est aussi, ça nous aide justement à pouvoir publier ce genre de titres où au départ, on sait que l'investissement financier qu'on fait dessus ne sera pas forcément couvert par les ventes qu'on va faire de livres. Justement, quel est le rôle de Creative Europe, donc le programme de soutien à la diversité littéraire européenne, dont est plus ou moins rattaché l'IUPL, dans l'accompagnement aux éditeurs? Qu'est-ce que ça représente, sans rentrer dans le détail des chiffres, hein, mais concrètement comme soutien à cette diversité? Alors, ce qui est déjà intéressant avec ce programme, c'est qu'ils aident sur trois pans financiers, trois postes financiers hyper importants quand on lance un livre. Donc, le côté traduction, le côté fabrication du livre, donc l'impression, la mise en page, tout ça, et le côté promotion, c'est-à-dire si on souhaite faire venir nos auteurs sur des salons, en tournée librairie, etc. Donc, voilà, ils nous soutiennent sur ces trois pans, ce qui n'est pas le cas. Il existe d'autres subventions, hein, mais ce n'est pas le cas. La plupart ne soutiennent surtout pour la traduction, alors que effectivement, nous en plus, vraiment quand on choisit un roman et son auteur, l'idée c'est vraiment de le mettre en contact au maximum avec le lecteur français. Donc ça veut dire le faire venir, mais ça veut aussi dire l'accompagner, parce qu'on ne peut pas lâcher un auteur européen qui ne parle pas français tout seul, prendre le train et tout ça. Ça c'est la différence avec les auteurs français, on y revient. Donc l'auteur français, on peut le laisser faire prendre le train et aller en librairie tout seul, alors que l'auteur étranger, on ne peut pas. Il faut aussi, enfin, c'est plus de travail. Il va aussi falloir prévoir un interprète si besoin, etc., etc. Donc, effectivement, ça, Creative Europe. Et nous, personnellement, on était sur un projet de 3 ans, les 3 dernières années. Ça nous a aussi permis de prendre la décision de ne publier plus que de la littérature européenne. C'est-à-dire qu'avant, on avait quelques auteurs américains, etc., qui ne marchaient pas chez nous, même s'ils étaient super bons. Du coup, on s'est dit, on arrête les auteurs américains. Ça a entraîné aussi le fait que, par exemple, quand je vais chercher des titres sur ces territoires, souvent, on va se dire, on peut aussi choisir un territoire et se dire, on va essayer de trouver un auteur de ce territoire. Et ça, c'est souvent aussi lié parce que de plus en plus maintenant, je vais dans les pays étrangers, en Tchéquie, en Slovaquie, en Géorgie, et j'apprends à découvrir un peu comment ça se passe au niveau du livre, quels sont les auteurs, quels sont les éditeurs, etc. Et ça, c'est vraiment une vision de l'intérieur qui est hyper intéressante parce qu'on remet aussi en contexte avec une histoire, une culture, une société, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de développer au maximum. C'est vraiment d'aller là-bas et d'être au cœur de l'action et d'identifier des auteurs qu'on pourrait accueillir dans notre catalogue. Et comment est-ce que, quand on ne parle pas la langue, bon, je me permets de supposer que tu parles peut-être pas couramment géorgien, tchèque, etc. Non, c'est sûr. Comment est-ce qu'on fait ce travail de recherche à la source, en fait ? Alors, déjà, je voudrais dire, c'est vrai qu'on nous pose souvent cette question, et ce que je dis toujours en premier, c'est la question, enfin, c'est vrai, une question légitime qui pourrait être, est-ce qu'il faut traduire que des langues qu'on peut lire ? Ce qui veut dire que, par exemple, si on regarde des grosses maisons, genre Actes Sud ou Gallimard, ils ont probablement des directeurs de collection par territoire. Parce que dans une petite maison, il n'y a pas. L'idée, effectivement, une fois qu'on s'est dit, est-ce qu'on doit traduire que des langues qu'on comprend, et que la réponse est non, évidemment, autrement, il y aurait plein de langues qui ne seraient jamais traduites en français. C'est de se dire, voilà, il y a plusieurs façons. Le texte peut être porté par un traducteur qui, là, un traducteur va s'attacher à un auteur et va essayer de lui-même de faire la démarche de trouver un éditeur intéressé pour le traduire en français. Et dans ce cas-là, il aura souvent traduit des pages, et il aura lu le livre, et du coup, on peut bien en discuter avec lui. Et effectivement, de toute manière, quand on choisit de publier un livre dont on ne lit pas la langue, il y a toujours un effet un peu de surprise. Donc, enfin, voilà, c'est comme ça. Forcément. C'est comme ça. Là, souvent, c'est des bonnes surprises, hein, donc ça va. Mais après, on arrive aussi à se décider. Il y a des feelings. Ça, c'est quelque chose de moins concret. Hein. Il y a un feeling pour un texte, pour un pitch. Ça peut être un pitch plus quelques pages de traduction qui vont donner un peu le style de l'auteur. Déjà, s'il y a les deux choses comme ça, s'il y a ces deux choses-là, après, on va le mettre en lecture chez un traducteur qui va nous faire une fiche de lecture. Et après, on va prendre le téléphone et on va discuter avec le traducteur pour vraiment essayer de rentrer au maximum dans le cœur du texte. Il y a des fois où les textes ont été traduits en anglais, donc ça, c'est plus facile. Oui. Encore faut-il que la traduction soit bonne. Voilà. Mais et voilà. Et après, pour trouver ces textes, eh ben, il faut aller à la rencontre des éditeurs. Surtout, par exemple, dans les territoires d'Europe de l'Est, Europe centrale, il y a plein d'éditeurs qui vont publier des auteurs de leur région, mais qui après ne vont pas en représenter les droits étrangers. Donc, en fait, ces auteurs, ils sont assez limités dans la circulation de leurs textes. C'est-à-dire que où un traducteur va s'emparer de cet auteur-là et va essayer de porter la bonne parole dans son pays auprès des éditeurs. Autrement, généralement, ces auteurs-là, ils sont peu traduits parce qu'il n'y a aucun travail qui est fait de promotion et pour faire connaître ce livre, même si c'est un best-seller dans son pays. Là, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on est en train d'envisager, de proposer ce service-là à nos auteurs de ces territoires qui n'ont pas dont les éditeurs nationaux ne font pas ce travail de promotion à l'étranger. Parce que c'est important, par exemple, ce Polar Croate qu'on a publié, qui marche super bien ici, je veux dire, il a sa place dans tous les catalogues d'éditeurs européens. Et il a été vendu dans trois langues, quoi, genre italien, allemand et letton, je crois. Mais je veux dire, il faut qu'il soit lu en Espagne, il faut qu'il soit lu en Angleterre. Enfin, c'est un livre qui a une âme universelle, quoi. Donc, ce serait un service, on peut dire, en plus que vous envisagez chez Agulo, ce serait de favoriser la circulation dans Tout les autres fait. Pays de textes que vous avez vous-même. Tout à fait. Du coup, on agirait un peu comme un agent pour l'auteur. Donc, on a aussi un intéressement financier. Et pour l'auteur, ça le permet de sortir de son pays, quoi. Parce que, après, il y a des auteurs qui vont être aussi contactés comme ça par des éditeurs étrangers. Et les auteurs qui n'ont aucune connaissance du marché de l'édition à l'étranger, en Europe, quoi, ils vont dire oui au premier qui va demander. Et ce n'est pas forcément le meilleur éditeur pour eux. Il faut voir un peu ce que l'éditeur qui achète les droits va en faire sur place, quoi. Donc, c'est quelque chose, ils avancent un peu dans l'ombre, les auteurs, comme ça. Donc, c'est quelque chose que nous, on peut faire. On se rend sur les salons internationaux, on se rend dans les pays étrangers, on rencontre les éditeurs, etc. On est bien implanté, on a un beau network. Et Creative Europe nous a aussi permis d'étendre notre network. Là, par exemple, on a publié en mai 2021, un recueil de nouvelles bosniaques dont les droits ont été achetés à un éditeur croate qu'on avait rencontré, qui fait partie du programme Creative Europe aussi. Et ça, c'est intéressant aussi de voir ce que des éditeurs auxquels on peut s'identifier dans d'autres pays publient. Ça peut aussi donner de l'inspiration et voilà. Oui, ça fait un petit peu un réseau dans le réseau qui se crée naturellement. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Et pour finir, quelles sont tes prévisions de publications prochaines, qu'elles soient évidemment françaises, mais surtout européennes pour les prochains mois? Alors, là, on a fini pour 2021, mais l'année prochaine, on va lancer… Nous, on a une politique d'auteur, donc on continue à publier les auteurs qu'on publie déjà, parce qu'on pense que vraiment, pour renforcer la carrière d'un auteur, faut le suivre sur son œuvre, quoi. Et donc, on va avoir des langues comme du norvégien, du suédois, du portugais, du serbe, du croate, de l'italien. On a essayé de faire un peu plus une emphase sur l'année 2021 sur la littérature de genre aux deux sens du terme. Le genre, avoir plus de femmes au catalogue. Mm-hmm. On a beaucoup de traductrices aussi, et on lance aussi pour la première fois, donc c'est un genre de cozy crime, donc c'est un genre de polar en costume d'époque, quoi. Écrit par un couple de gays polonais. Ah, ça, c'est du segment, là. Ouais, et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on ne savait pas que c'était deux hommes au départ. Ils s'étaient donné un nom de plume féminin. Donc, ils avaient un nom féminin, et quand ça a commencé vraiment à bien marcher en Pologne, ils ont dû dire qui ils étaient, parce que tout le monde voulait savoir qui ils étaient. Et en fait, c'est un couple de mecs, quoi. Et un qui est historien et l'autre qui est un grand auteur bien reconnu là-bas, qui a été d'ailleurs traduit aussi chez Noir sur Blanc. Il a fait un livre sur Goya qui s'appelle Saturne. Et du coup, pour nous, c'est super intéressant. Encore une fois, on revient aussi au fait que les auteurs sont importants, de savoir que justement, ces deux gars qui sont en couple, ils ont quitté la Pologne, parce que la Pologne, c'est en train de régresser un peu. Enfin, ouais. C'est horrible à dire, mais voilà, il y a ce côté un peu… backward, hein, au niveau politique en Pologne. Et pour nous aussi, c'est voilà, de dire on est là aussi, quoi. Donc là, c'était aussi une représentation de la communauté LGBT dans un genre littéraire, le noir, où il y a très peu en plus de cette communauté-là qui est représentée, quoi. Donc voilà, nous on fait ça par la littérature. Donc c'est vrai que la Creative Europe, ça parle aussi beaucoup d'innovation, etc. Nous, moi j'ai l'impression que le côté innovant qu'on porte, qu'on donne, c'est plutôt ça, par le politique dans la fiction, dans la fiction moderne et contemporaine. En fait, c'est plus un travail de fond que j'ai l'impression de faire, quoi. Oui, effectivement, un travail de fond où, comme tu dis, le politique et le littéraire se rejoignent pour créer presque une nouvelle entité intellectuelle et culturelle. C'est ça. Et que ce soit de tous les genres et de quelle que soit la façon dont est traité une histoire, quoi. Que ce soit humoristique, que ce soit une romance. C'est vraiment ça notre cœur de métier. C'est ce qu'on veut, voilà, montrer, rentrer vraiment dans la vie, dans la vie des gens, dans une société. Et puis pour moi, par exemple, c'est vrai que le roman noir et le polar, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, c'est genre soulever le tapis et regarder ce qu'il y a. C'est vraiment aller gratter dans les coins. Et c'est pour ça que c'est vrai que cette littérature de genre nous plaît bien pour découvrir un pays et une société, quoi.